السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نواصل الكلام في دراسة رسالة نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah l'étude de l'épître Les Annulatifs de l'Islam de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر. L'auteur du livre a dit: le cinquième annulatif de l'islam, quiconque éprouve de la répulsion envers une chose rapportée par le messager a mécru, quand bien même il le pratiquerait. Il faut savoir que la base de la religion est établie sur l'amour d'Allah, de son prophète, et de tout ce qui vient de cette religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, hadith rapporté par al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, il a dit: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dans le sens, nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé chez lui que ses parents, ses enfants et l'ensemble des gens. Et certes, le fait de détester et d'avoir de l'aversion pour une chose rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam annule la base de cette foi. Car détester est le contraire de l'amour. Et la preuve de cet annulatif résulte dans le verset 8 et 9 de sourate Muhammad. Allah azza wa jal a dit: والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Allah عز وجل a dit dans le sens des versets: et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux et il rendra leurs œuvres vaines. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs œuvres. Nous voyons ici que le fait de détester une chose de la religion est une caractéristique des mécréants. De même, c'est une caractéristique des hypocrites, ceux qui se sont rendus coupables de l'hypocrisie dans la croyance, c'est-à-dire la grande hypocrisie. Car ces derniers, les hypocrites, mettaient en pratique les règles de l'islam, mais ils avaient de l'aversion envers ses principes et ses règles. Voilà pourquoi l'auteur a dit quand bien même il la pratiquerait. De même, Al-Mardawi, rahimahullahu ta'ala, a rapporté de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah le consensus des savants sur la mécréance de celui qui a de l'aversion ou qui déteste une chose avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Il a dit: le Cheikh Taqiyuddin, c'est-à-dire Ahmad ibn Taymiyyah, a dit: s'il a de l'aversion ou déteste le prophète, ou ce que le prophète a apporté a certes mécru d'après le consensus. Fin de citation. Il est à savoir également que parmi les conditions de l'attestation de foi par laquelle la personne entre en islam, il y a parmi ces conditions l'amour qui contredit l'aversion, la répulsion. C'est-à-dire aimer cette parole, ce qu'elle implique, ce qu'elle contient comme ordre et interdit. Aimer les gens de cette parole, aimer les œuvres pieuses et tout ce qui vient de cette religion. D'ailleurs, il est rapporté dans le hadith authentique, le hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans l'invocation suivante, Allahumma as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Hadith rapporté par Ahmed. Dans le sens, ô Allah, je te demande de m'accorder ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment, et l'amour de l'action qui te rapproche de ton amour. Il est également rapporté dans Al-Bukhari et Muslim le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Il y a trois choses, si elles sont présentes chez la personne, alors cette personne goûtera à la douceur de la foi. Et il a cité parmi ces trois choses que la personne aime Allah et son messager plus que tout. Le fait de détester ce qui vient du prophète ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, revient à détester ce qui vient de la part d'Allah azza wa jal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion, mais il transmet ce qui lui a été révélé de son Seigneur et ordonné. Allah azza wa jal a dit à cet effet, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il dit dans le sens des versets, et il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais c'est une révélation qui lui est révélée. Sourate An-Najm, versets 3 et 4. Allahu Azza wa Jal dit également, Ya ayyuha ar-rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Allahu Azza wa Jal dit dans le sens, Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur, si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas communiqué son message. Sourate Al-Ma'ida, verset 67. Il dit également, Subhanahu wa ta'ala, Wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnas ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Dans le sens, et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Surat An-Nahl, verset 44. Il dit également, Subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. Et nous n'avons fait descendre sur toi le livre qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension, de même qu'un guide et une miséricorde pour les gens croyants. Sourate An-Nahl, verset 64. Et en réalité, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'amour d'Allah et son amour est lié à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat Ali Imran, verset 31. Nous voyons à travers ces versets et ces hadiths qu'il est obligatoire d'aimer le prophète, d'aimer sa sunna et tout ce qu'il a apporté, car ceci revient à aimer Allah Azza wa Jal, la religion d'Allah Azza wa Jal. Quant au fait de détester le prophète, détester sa sunna et tout ce qu'il a apporté revient à détester la religion d'Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi le croyant doit prendre garde à avoir de l'aversion, de la répulsion envers une chose de la religion, obligatoire ou recommandée, aussi minime qu'elle soit. Le croyant doit prendre garde aux sectes égarées qui appellent à rejeter des préceptes de la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, que la personne s'en rende compte ou non, comme la secte qui se nomme injustement les coranistes alors qu'ils sont loin du Coran et le contredisent nuit et jour. Car le Coran nous ordonne d'aimer le prophète, il nous ordonne de le suivre, il nous ordonne d'accepter ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne d'accepter son jugement et de se soumettre à sa sentence sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, comment est-ce que le serviteur peut faire croître dans son cœur l'amour d'Allah? Ou l'amour d'Allah est basé sur deux fondements que l'imam Ibn al-Qayyim a mentionné dans une parole très bénéfique dans son livre « Al-Wabil al-Sayyib ». Il a dit, rahimahullahu ta'ala, « Celui à qui Allah veut du bien, il lui ouvre la porte de l'humilité, du refuge constant vers Allah, d'avoir en lui le besoin d'Allah, de voir les défauts de sa personne, de son ignorance, de son injustice envers soi et autrui, de pouvoir témoigner des bienfaits d'Allah, de sa miséricorde, de sa générosité, sa bienfaisance, sa richesse et sa louange. » Il dit, le reconnaissant chemine vers Allah entre ses deux ailes, desquelles il ne peut se passer. Dès lors qu'il perd une de ses ailes, il est alors semblable à l'oiseau qui a perdu une aile. Il a dit, Cheikhul Islam a dit, le reconnaissant chemine vers Allah entre le fait de témoigner et reconnaître les bienfaits d'Allah sur sa personne et le fait d'être clairvoyant sur les défauts de sa personne et de ses œuvres. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim a dit, et ceci, c'est-à-dire ces deux choses que Cheikhul Islam a citées, il dit, et ceci est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique d'après Buraïda radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure demande de pardon, c'est que le serviteur dise, ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Tu m'as créé, je suis ton serviteur, je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. Je me mets sous ta protection contre le mal que j'ai commis, je reconnais ton bienfait à mon égard et je reconnais mon péché, pardonne-moi, car il n'y a que toi qui pardonnes les péchés. L'imam Ibn al-Qayyim a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni dans sa parole, je reconnais ton bienfait à mon égard et je reconnais mon péché, le fait de témoigner du bienfait d'Allah et de reconnaître les défauts de sa personne et de ses œuvres. Il dit, le fait de témoigner des bienfaits ou le fait de témoigner des bienfaits d'Allah sur sa personne amène la personne à avoir de l'amour envers Allah, de le louer et de le remercier. Et le fait de reconnaître les défauts de sa personne et de ses œuvres amène la personne à s'humilier, à avoir constamment besoin d'Allah et à se repentir à Allah Azza wa Jal à chaque instant. Il dit également, et que la personne ne voit pas sa personne ou que la personne voit sa personne comme une personne qui a fait faillite. Et la porte la plus proche d'Allah par laquelle le serviteur entre est la porte de celui qui a fait faillite, c'est-à-dire en s'humiliant. Qu'il ne voit pas sa personne comme ayant une place ou comme ayant des œuvres par lesquelles il peut se vanter, mais plutôt qu'il entre par la porte de celui qui a un besoin total à Allah Azza wa Jal et celui qui ne possède rien. Une entrée à l'image de celui dont la pauvreté a brisé le cœur et qui a reconnu son besoin envers son Seigneur. Et certes, il n'y a pas un chemin qui mène le plus rapidement possible à Allah que le chemin de la servitude à Allah, et il n'y a pas un voile plus dur pour la personne qui voile la face de la personne que la prétention. La servitude est axée sur deux bases qui sont les fondements de la servitude, un amour total est complet et une humilité totale est complète. Et ces deux fondements découlent des deux fondements cités précédemment, qui sont le fait de témoigner sur soi les bienfaits d'Allah, ce qui va engendrer chez la personne l'amour d'Allah Azza wa Jal, et de reconnaître les défauts de sa personne et de ses œuvres, ce qui va engendrer une humiliation totale et complète. Et si le serviteur construit son cheminement vers Allah à partir de ces deux fondements, son ennemi ne pourra alors avoir le dessus sur lui, sauf avec un manque d'attention de sa part. Fin de citation. Nous voyons à travers la parole de l'imam Ibn al-Qayyim que l'amour d'Allah se concrétise par deux choses. Premièrement, le fait de témoigner des bienfaits d'Allah sur sa personne et de reconnaître les défauts de sa personne et de ses œuvres. En résumé, il est obligatoire d'aimer Allah, son prophète, et d'aimer tout ce qui, ou d'aimer, pardon, tout ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré à travers son prophète, que cela soit une chose obligatoire ou recommandée. Quant à celui qui a de l'aversion envers une chose qu'Allah a légiférée à travers son prophète, a certes mécru, d'une mécréance qui fait sortir de l'islam, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et pour terminer, il est important de faire la différence entre l'aversion, la répulsion naturelle et la répulsion religieuse. La répulsion religieuse, c'est celle que nous avons mentionnée dans cet annulatif. Quant à la répulsion ou l'aversion naturelle, nous pouvons la définir comme la difficulté et la gêne que l'acte amène à la personne. La preuve de cette différence est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat al-Baqarah, verset 216. Allah Azza wa Jal a dit « Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhul lakum » Le combat vous a été prescrit alors que vous avez de la répulsion envers le combat. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait et vous ne savez pas. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de ce verset, dans la parole d'Allah, alors que vous avez de l'aversion pour le combat, il dit, c'est-à-dire une aversion naturelle, car il y a dans le combat la dépense des biens, le délaissement de sa patrie, de sa famille, il y a aussi le fait que la personne est exposée aux blessures et à la mort. Leur aversion, c'est-à-dire aux croyants, est donc pour tout cela, et non pas pour l'ordre d'Allah, Azza wa Jal. Voilà, en résumé, l'explication de ce cinquième annulatif, وَفِيهِ كِفَايَةٌ. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine. بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَنَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.